Et ouais, le duo des Black Keys, toujours mené par le guitariste-chanteur Don Werbach, visite donc de nouveaux chemins, mais toujours avec leur propre identité, comme dans le live Chill I Die qui arrive tout de suite. Vous avez aimé, restez bien avec nous puisque d'autres titres de Oyo Players, nouvel album des Black Keys, vont éclairer notre heure pop and rock'n. Mais en attendant, voici Underneath que nous aurions dû écouter la semaine passée, nouveau single des Riken de Warpaint. I want lundis entre 17h et 18h, vous écoutez Pop and Rock sur la trail locale Radio Val d'Or. Enfin, il faut dire RVR. La parité dans la vie est un pari perdu d'avance. Par contre, dans Pop and Rock, c'est déjà gagné. Watch the waves play their game. May tomorrow come. May tomorrow come. Going home down the ocean. Watch the Ouais, Children of the Sun, ce sont des petits genoux qui jouent comme des grands. Foncez sur votre plateforme musicale préférée pour écouter les albums de Children of the Sun et en même temps, allez écouter le dernier Sleater Kinney. Thank you. quelques semaines sortait le nouvel album de Slater Kinney. On l'a loupé, alors on se rattrape ce soir dans Pop and Rock sur RVR. Close my eyes and you found the latch. I looked up and saw the bars intact, locked up tight, the perfect trap. A rattle and shake inside, but I can't escape tonight. Kinney, deux filles, et j'ai d'abord cru que Slater était le nom d'une des deux filles et Kinney le nom de l'autre. Mais quel gros ignorant j'étais! Slater Kinney n'est autre que leur lieu de rencontre et le lieu de leurs premières aventures communes. Maintenant que je vous ai culturé quelque peu, on va se faire le premier titre que j'ai découvert au tout début de Pop and Rock, des filles de Slater Kinney, Shadowtown. Thank you. Dis donc, le programmateur, tu devais pas nous passer des nouveaux titres des Black Keys ? Oh, ok, la voix off. On a long lost night, on my own. Oh, she comes to me, so all alone. I offer shelter. De rien. Oh,

promis, Kidwise, je vais vous renvoyer ça bientôt. J'ai d'ailleurs mis la main il n'y a pas très longtemps sur plus de 54 minutes d'un concert datant de 2015 à Montreux. On en reparlera, mais en attendant, revoici les Black Keys. Session pop and rock est quasiment terminée, on va donc se faire tranquillement quelques classiques. Yeah. Don't try to love so wise. Don't cry, cause you're so right. Don't try with fake so fierce, cause you will hate yourself in the end. Don't try to love so wise. Don't cry, cause you're so right. Don't try with fake so fierce, cause you will hate yourself in the end. Cause you will hate yourself in the end. Cause you will hate yourself in the end. Et comme tous les lundis soirs, juste avant 18h, bon vent à tous.